Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez sur Radio Active dans Les Retraités s'activent, un rendez-vous radio qui est maintenant devenu une habitude bien entendu avec les retraités accompagnés par le service Entourage qui, je le rappelle à chaque fois, est le service de lien social de la communauté de communes Val d'Amboise. Nous entamons aujourd'hui notre 7e émission et aujourd'hui nous allons être en petit comité, mais ce n'est pas la quantité mais la qualité qui fait toute la différence aujourd'hui. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Alors la dernière fois on avait voulu parler de jardinage dans cette rubrique Les retraités s'activent et puis ceux qui étaient présents ont dit oulala. On n'a pas les experts, on n'a pas tous les experts autour de la table, donc on avait décalé pour pouvoir en parler dans cette nouvelle édition. Et notamment, il nous manquait Marcel, et on dit « sans Marcel, on ne peut pas parler de jardinage ». Ben oui, peut-être. Donc ça va être un petit peu la thématique de notre rendez-vous aujourd'hui. Alors pour rappeler un petit peu juste à nos auditeurs, la particularité, votre particularité à vous mesdames, c'est que vous résidez au Myosotis. Oui, donc oui. Voilà, à Nazelles, qui est un habitat collectif en fait. Hein. Oui. Et vous avez décidé là-bas d'avoir un mode de jardinage un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je peux, parce que j'étais à l'origine de ce mode de jardinage. On nous a demandé si on voulait faire du jardinage. Alors on a dit oui, la commune a mis à notre disposition le terrain dont on voulait occuper. Mmh. Et comme on est plutôt âgées toutes, certaines ont dit, mais comment on va faire pour préparer le terrain, pour le bêcher, pour le passer éventuellement à un motoculteur. Alors j'ai proposé de faire de la permaculture. Alors qu'est-ce que la permaculture ça, j'ai dû m'expliquer, et puis j'ai emmené mes voisines et mes voisins visiter un jardin qui est cultivé en permaculture par une personne de Nazelles. Bon, ça les a convaincus, ils ont dit « ok, on se lance ». Donc on a délimité les parcelles qu'on voulait cultiver, et normalement on ne doit pas bêcher, quoi. Si ça a été bien préparé, on ne doit pas bêcher. Malheureusement, on tombe sur un terrain un peu ingrat, il y a beaucoup de chiens dedans, donc ça finit par s'infiltrer, et de temps en temps il faut bêcher quand même un peu. On a fait nos bandes de permaculture, on a ce qu'on appelle la culture en lasagne, et on y cultive essentiellement des légumes. Les fleurs, on a des bacs à fleurs sur le terrain, et on a tout aussi chacun un ou deux carrés potagers. D'accord. Voilà. Alors, la permaculture, vous disiez, culture en lasagne. Alors ça, c'est un petit peu sur la géométrie, enfin la forme. Oui, la Mais forme. Mais qu'est-ce que c'est la permaculture, en fait ? Alors, il faut, une fois qu'on a délimité le terrain, il ne faut pas que ce soit trop large, parce qu'il faut pouvoir intervenir au milieu. Mmh. On a défini la longueur. Il faut mettre du carton, du cartonnage, mais qui n'a pas trop d'encre. Oui. Donc, on avait trouvé, et c'était excellent, des cartons qui enveloppent les cercueils. Quand ils les reçoivent, on est allé. Donc, on a bien mis du carton, une bonne épaisseur de carton dans le fond. Ça empêche l'herbe de pousser, de repousser. Dessus, il faut mettre du fumier. On a mis du fumier de cheval, une dizaine de centimètres. Après, du terreau. Alors, on avait un élu de Nazelles qui vendait du terreau, donc il nous en a donné gratuitement. Une bonne couche de terreau, et puis on laisse faire la nature, on laisse travailler. Il faut faire ça l'automne, en principe. D'accord. Donc et là, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est trop tard. Oui, oui. Ce sera pour l'année prochaine. Oui, oui, oui. Et voilà. Et après, il suffit de planter. En principe, il faut que ce soit... Il y ait toujours quelque chose dessus. Quand on enlève quelque chose, il faut que ce soit toujours occupé. D'accord. Pour ne pas avoir arrosé beaucoup. Et surtout, il faut faire du paillage. Ah, le paillage, oui, pour éviter tout ce qui est gelé, pour... Non, même ça, pas. c'est pour la sécheresse. Ah oui, oui, ça conserve l'humidité. Oui. Ça conserve bien l'humidité, donc ça évite... voilà. Je connaissais la méthode du paillage quand, par exemple, on a des arbustes en pot, par exemple. Enfin, moi, je pense à mes lauriers, par exemple, où je paille le pied du laurier pour pas que ça gèle. Ça protège un petit peu. Mais là, c'est... Pour le jardin, c'est essentiel, pratiquement. Mm-hmm. Et ça n'empêche pas les plantes de germer et de pousser, parce que de toute façon, quand on sème une graine, elle va chercher toujours à, oui, la lumière, elle va toujours pousser. Alors, on discutait un petit peu avant cette émission, évidemment, et puis on voit que les avis sont mitigés sur cette méthode de permaculture que partage pas forcément Michel. Oui, non, moi je suis... Peut-être que c'est bien, peut-être que... Mais déjà, le fait de mettre le carton, pour moi, les racines ne peuvent pas aller chercher bien profond pour l'eau. Et puis, c'est surtout moi que je préfère bêcher, parce qu'il y a du chien-dent. Enfin, mm-hmm, le chien-dent, il pousse plus que le reste, c'est toujours pareil. Et puis, il y a des vers dedans... des gros vers là qui mangent tout là, on peut puis cette année quand j'ai bêché mon carré, mais c'est une catastrophe, je peux pas dire combien j'en ai trouvé, et puis énorme. On a vu les photos. Ils étaient moins gros que dans le carré à Gérard qu'il a trouvé hier. Mais c'est j'aurais même pas voulu les ramasser là, parce que c'était ah, donc. Mais non, mais moi je bêcher pour l'instant. Peut-être qu'avec l'âge, je viendrai à la permaculture si je ne peux plus bêcher. Ça, je ne dis pas que je n'y viendrai jamais. Mais tant que je peux bêcher, pour moi, c'est important. Puis après, je mets du fumier pour nourrir la terre. Non. Et puis, je rebêche un petit peu pour bien mélanger, quoi. L'important, vous le disiez tout à l'heure, c'est de conserver une méthode bio, malgré tout, évidemment. Oui, mettre des comme des, du, moi, cette année, j'ai mis du fumier d'algues. Parce que l'année dernière, j'étais un peu déçue du fumier de cheval qu'on nous avait donné. Mmh. Ça m'a pas... Enfin bon, cette année, parce qu'il y a le prix aussi. Mais oui. Le fumier d'algues est un peu moins cher que le fumier de cheval. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà essayé, ou alors c'est... Oui. Et ça fonctionne bien? Oui. D'accord. Oui, c'est sûr que de toute façon, après, tous les ans, il faut rapporter de l'humus, en particulier sous forme de fumier. Moi, je mets ça, et au moment de la plantation, je rajoute de l'ortie. Ah, tiens donc. Hein. Ouais, je les broie carrément, pour être sûr que ça va pousser. Mm-hmm. Je les broie, et puis je trouve que ça rentre mieux, et je mets de l'ortie au moment de la plantation. Alors, c'est-à-dire, c'est intéressant, cette astuce de l'ortie. Vous connaissiez aussi, Marcel, astuce? Oui. Et alors, sous quelle forme? C'est-à-dire que vous ramassez des orties? Je ramasse des orties. Oui. Je garde les têtes d'ortie pour faire de la soupe, par contre. Ah oui, ah bah ça, c'est... Oui. Et puis le reste, je le broie. Je le passe au blender, carrément. OK. Et puis, ça me fait un peu une bouillie, quoi. Et je mets ça au fond de mon... Il y en a qui mettent des feuilles, carrément. Mais moi, je le broie. Oui. Après, on a différentes toutes les différentes techniques. Et puis, je plante. Mmh. Mmh. Et ça, donc, au fond de la terre, avant de recouvrir? Au fond de la terre. Et puis, même pendant la saison, après, je refais pour avoir du jus d'ortie et j'arrose avec. Alors ça fortifie les plantes, ça évite les maladies. Ouais. Alors on parle souvent de la bouillie bordelaise. Je sais pas si ça vous parle. C'est autre chose. Il y a pas de l'ortie dedans? Non. Voyez. Vous avez plein de choses à m'apprendre. Il y a le fumier d'ortie. D'accord. Et il y a une controverse là-dessus sur le fumier d'ortie. Il y a des personnes qui disent que ça serait trop fort, ça serait trop. Faut doser, faut pas en mettre de trop. Je trouve plus rapide de... Puis ça sent mauvais, ça sent mauvais. Quoique, quand j'en fais de l'ortie, qu'il m'en reste un peu, que je mets ça dans un bidon, là, finalement, ça fait du fumier d'ortie quand même, parce que ça fermente aussi. Mmh. Hein. Mmh. Moi, je trouve que ça a un bienfait sur les plantes. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose que je fais. Vous allez me dire, mesdames, si j'ai tort ou pas. Mmh. J'ai un poêle à bois. Mmh. Et quand je vide mes cendres, il m'arrive de le mélanger à la terre de mon potager. Mmh. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Oui, tout à fait. Ça nourrit la terre. Et puis, si tu as de la cendre, il y a un autre usage. Par exemple, si on a des escargots, un terrain avec des escargots, et qu'on ne veut pas tuer les escargots, autour des bouillies d'oseille, par exemple, tu mets de la cendre, ils ne viendront pas. Ah, alors moi, je connaissais la technique des coquilles d'œufs. Des coquilles d'œufs. Ça marche aussi. Que j'écrase. Sauf que s'il y a des oiseaux, ils bouffent les coquilles d'œufs. Et... D'accord. Voilà. Mais je pense que c'est pareil, la cendre, il faut, avec parcimonie. Oui, peut-être bien pas sûr, en mettre de trop. Oui, mais il faut en mettre. Oui. On peut en mettre. Oui, c'est très bon. Ah oui, parce que les escargots, aller là-dessus, ça les... Ah, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas en dessous. Oui. Et nous, on a des escargots dans nos espaces. On en est farci. Ah oui. Et je suis la seule à le faire, mais à la saison, je les ramasse et je les bouffe. Alors, moi, j'ai des enfants qui les ramassent, hein, et puis on les relâche après. On leur fait un petit habitat très mignon dans une grande caisse et on les relâche. Non, mais c'est bon, les escargots. Hein. Ouais, c'est vrai que je me rappelle être allée aux escargots avec mes parents une époque, à la lampe torche le soir, après la pluie, aller les ramasser. Non, mais c'est bon, mais quand on peut en manger, quoi. Et puis, cette année, sur le terrain, j'ai revu un hérisson, parce qu'ils adorent les escargots, les hérissons. Eh oui. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir un hérisson. Bah, il peut avoir à manger avec tout ce qu'il y a. Ouais. Mais effectivement, pour en revenir au verre que vous avez trouvé, a priori, vu la somme de pluie qu'on a pu avoir, les crues, ça va être une année à bestioles. Oui. Notamment les moustiques, on est déjà ennuyé avec les moustiques. Il faudra que je recherche, mais il y a une technique pour qu'ils meurent, les vers dans la terre. Ben, déjà, mon frère m'a dit de mettre du café quand je plante. Parce que là, il y a une salade, elle a été mangée. Hein. Oui. Mais du café au fond avant de planter. Oui. D'accord. Parce que là, j'ai fait 5 salades. Oui, il y a le marc de café. 6 salades. Il y a le marc de café qui... Puis alors maintenant qu'on est beaucoup sur des dosettes, les cafetières, maintenant on est beaucoup sur de la dosette emballée dans des papiers recyclables, mais ça peut aussi être justement recyclé pour le potager, ça. En principe, moi, le marc, je le mets dans le compost. Hein, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, oui. Et puis effectivement, j'en récupère pour mettre un peu partout dans le jardin ou dans les pots de fleurs. Moi, je vais acheter du café pour en faire. Parce que je bois pas de café. Non, j'ai du café quand il y a du monde qui vient, mais pas suffisant. Mais c'est vrai que, apparemment, c'est mon beau-frère était jardinier. Enfin, il jardine toujours. Mais il était jardinier, il connaît pas mal de choses comme ça. Ah, oui. Il m'a dit essaie le café parce que. Mais finalement. Ça coûte pas cher de jardiner. Si on recycle, on va chercher des orties, on a de la cendre éventuellement, on a son marc de café, on a tout ce qu'il faut finalement, sans avoir à dépenser trop d'argent. Alors l'engrais, évidemment, c'est encore autre chose. Oui parce que comme le fumier d'algues, il faut l'acheter quand même. Là, et c'est pas donné quand même. Je trouve que tout ça, ça a bien augmenté. Parce que je me souviens avoir acheté un sac de fumier de cheval il y a des années, je ne me rappelle plus en quelle année. 5 euros, maintenant, c'est dans les 17 ou 19 euros. Quoi. Oh là là là. Ah, oui. C'est comme tout augmente. Hein, Enfin là, ça a plus que triplé. Donc, Le faire, c'est cultiver ses légumes. Le plus intéressant, c'est les tomates, parce que les tomates du jardin, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Mais ce n'est pas forcément plus économique, mais c'est tellement agréable de faire le... Hier, on a cueilli des artichauts, parce qu'on a un principe de jardin partagé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de jardiniers. Il faut bien reconnaître que petit à petit, les gens vieillissent, et puis moi, j'y arrive encore avec mon déambulateur, mais je peine quand même. Le principe, c'est de partager ce qu'on récolte. Alors, j'avais planté des artichauts. Hier, j'ai récolté 4 artichauts, j'en ai donné 3. Je ne sais pas à qui elle les a donnés, Christiane. Elle m'en a donné un, Christiane. Oui. Il y avait des locataires encore dedans, même cuillère. Il y avait t'es plein de fourmis. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, non, moi, je l'avais bien nettoyée. Elle l'a nettoyée, mais dans les premières fois. Il faut me tremper dans un peu de vinaigre. Ouais, c'était bon. Mais voilà, et puis j'avais quoi. Enfin, on partage, quoi. Mais même avec ceux qui ne jardinent pas, quoi. D'accord. Et puis l'artichaut, des fois, on a presque envie de le laisser fleurir tellement c'est beau l'artichaut une fois. J'en ai laissé fleurir l'année dernière ou deux, en fin de saison. C'est vrai que c'est magnifique. Et alors, vous cultivez quoi d'autre, mesdames? On a parlé des légumes. Vous avez déjà planté quoi là, par exemple? On est à la mi-avril. Moi, j'ai fait des carottes. J'ai semé des carottes. Des salades. Et puis j'ai fait quelques salades. J'ai semé de la roquette. Oui. J'ai planté quelques salades. Oui. J'ai semé des radis, ils sont en train de lever. Ils n'ont pas chaud, mais ils lèvent quand même. Ah oui. J'ai mon pied de blette, mais il faut que j'en rachète un parce qu'il commence à monter. Oui, moi aussi, j'en ai cueilli plein hier, mais il commence à monter. J'en ai donné à des voisines. Oui. Parce que bon, le pied, il est beau. J'ai réussi à le conserver cet hiver. Je le couvre, moi, l'hiver. Autrement, bah, j'ai du céleri branche. Et ça, vous achetez des plants ou est-ce que vous faites vos semis et... Les carottes, il y a le semis automatiquement. Mmh. Mais les blettes et puis le céleri, j'achète le pied carrément. Mmh. D'accord. Oui, après, ce n'est pas forcément évident de garder d'année en année. C'est... Bah là, j'ai essayé de faire du semis de courge blanche. J'ai essayé. Enfin, ça a l'air de... Et le reste, je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait. Mais la courge, on peut déjà ? Moi, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour tout ce qui est courge ? Ah bah pour les semis, pour faire le plan. Pour faire le plan, non, oui. Il faut semer maintenant. Ah bah, même avant. Alors, et aussi, il y a la technique du bon jardinier. Tout le monde n'en est pas convaincu, mais moi, je le suis parce que j'ai toujours jardiné comme ça. C'est de tenir compte de la lune. Ah oui, oui, oui. C'est important. Mm-hmm. Moi aussi, je suis un peu... C'est vrai que si, par exemple, si on plante, si on sème des radis pas au bon moment, ils vont pas donner. Ils vont s'étioler. Oui. Oui. Mmh. Ils vont pousser en feuilles oui. Plutôt qu'en racines. Et puis la roquette, pareil, elle va monter tout de suite. Mmh. Enfin, il y a plein de, il y a des astuces qu'il faut connaître, quoi. Mais c'est vrai que les bons jardiniers souvent se réfèrent au calendrier lunaire, oui. Oui, je l'ai affiché le calendrier lunaire dans la cabane de jardin. Ouais. Enfin. Mmh. Près de la cabane de jardin. Tout le monde peut le consulter. Et alors, côté fleurs, qu'est-ce que vous avez de quelle jolie variété de fleurs vous avez agrémenté les myosotis ? On a des iris qui fleurissent en ce moment. Ah oui, mais c'est la pleine époque. Iris, en ce moment, l'arôme aussi, beaucoup, j'en ai. Je ne sais même pas si c'est une terre vraiment à arôme. Oui, non, on doit éviter des plantes qui demandent beaucoup d'eau parce que après, on a un problème d'arrosage collectif. Ah oui. Et voilà quoi. Faut éviter de mettre des choses qu'il faut beaucoup arroser. Mm-hmm. Et non, moi, en fleurs, j'ai juste mon balcon, pas comme toi, sûrement. Enfin, j'ai des géraniums que je garde. C'est un géranium que j'ai récupéré chez ma mère quand elle est décédée et j'y tiens. Et vous arrivez à le conserver ? Oui. Alors, l'hiver, vous en faites quoi ? Vous le rentrez à la maison ? Eh bien, avant. Parce que moi, ça fait que un peu plus de 2 ans que je suis au myosotis. Avant, je les mettais dans le cellier. Maintenant, j'en ai plus. Alors, cette année, j'ai réussi à les conserver. J'ai eu peur. J'ai acheté un coffre. Avant l'hiver, je coupe tout, les racines, les branches. Enfin, je laisse un peu, quoi. Et je les mets dans une jardinière dans le noir. Ah, d'accord. Là, je ne les ai pas encore mis parce que. Mais ils sont bien poussés. La journée, en ce moment, j'ouvre le coffre qui prenne la lumière. Mm-hmm. Enfin, dès que j'ai vu que ça commençait à redémarrer. Oui. Cette année, j'ai réussi à les conserver comme ça. Et là, par exemple, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément la main verte et qui se disent je mettrais bien quelques géraniums sur mon balcon ou dans mon jardin, est-ce qu'il est d'ores et déjà temps de planter ces géraniums ? Moi, je vais le faire, là. Mais comme ils annonçaient des matinées froides, là. Et puis, on parle souvent des saints de glace aussi. Oui, donc, il faut attendre. On dit souvent qu'il faut attendre. Est-ce que c'est une réalité ? Les saints de glace, il y a forcément une période de refroidissement, mais avec le réchauffement climatique... Si on n'a pas sorti les... Moi, les géraniums, je dis, si on les sort comme je fais, là, finalement, que j'ouvre, ils reprennent le soleil, tout ça, ils reprennent un peu de fraîcheur aussi, ça les rendurcit. S'ils sont trop tendres au moment des gelées, c'est sûr que là, ça va les... Ah, oui. Si on les achète et qu'ils sortent de serre, il faut les habituer petit à petit, les rentrer, les sortir. Ah, c'est ça aussi, oui, effectivement. Il ne faut pas les mettre d'un seul coup dehors. Il faut les habituer au soleil et au froid aussi, mais il faut y aller doucement. Quoi. C'est comme toute plante, comme des tomates. Moi, la semaine prochaine, sûrement, je vais acheter mes pieds de tomates. Et je vais les habituer petit à petit parce que ça sort de serre. Oui, c'est ce que je vais faire aussi. Ouais, on les renforce en les mettant un peu dehors la journée et rentrer le soir. Et oui, c'est vrai. Il y a un temps d'adaptation. Et puis, les tomates, il ne faut pas les mettre en terre quand elle est froide, la terre. Il faut qu'elle ait le temps de chauffer. Alors, là où je vais mettre des tomates, je vais poser un film en tissu, en tissé, là, les films de jardinage, pour chauffer la terre avant. Ah, d'accord. Voilà. Parce que si on plante des tomates et que la terre est froide, ça leur fait un stress, quoi, et elles démarrent moins bien. D'où l'intérêt de mettre des orties dans le fond, parce que les orties, ça chauffe la terre aussi. Ah, oui, d'accord. Ouais. Oui. Non, ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui, mais dont je vais me servir. Et par rapport à la plantation, quand on est sur une journée de printemps ensoleillée, est-ce qu'il est recommandé plutôt de faire ses plantations en matinée, à la fraîche, entre guillemets, l'après-midi, quand il fait bien chaud, on attend la fin de soirée? Ah, faut pas planter en pleine chaleur, non. Hein, il vaut mieux, oui, il faut attendre la fraîcheur. Mmh. Et surtout, arroser. Et oui. C'est ça. Parce qu'un bon jardinier, qu'il pleuve ou qu'il vente, un bon jardinier doit arroser ce qu'il plante. Voilà. Ah, d'accord. Tout à fait d'accord. On met de l'eau avant de mettre la plante et on en met après. Voilà. Oui, oui. Et souvent on fait même, j'ai déjà vu faire ça aussi, de faire tremper les racines dans un peu d'eau avant de planter. Oui, oui. Il faut, les petits pots, s'ils sont secs, il faut les imbiber. Oui. Mmh. Puis d'ailleurs, la motte se défait beaucoup mieux après. Oui. Oh, ça donne envie de se mettre au jardin, tout ça. Moi, je trouve ça chouette. Vous avez des adresses favorites où vous allez aller acheter vos plants, vos fleurs, des enseignes, des... Oui, moi, je vais beaucoup chez Vergeon. Oui, la jardinerie Vergeon qui est à Possé-sur-Cise. Oui, ils sont bien achalandés. Ils sont bien achalandés et puis de bons conseils, parfois, pour les certains produits. Et puis, Jardin Malin, autrement. Alors, c'est où, ça, Jardin Malin? C'est Noisy. Oui. Oui. D'accord. Oui, c'est sur Noisy et il y a Mont-Louis aussi. Apparemment, il y a d'autres endroits, mais je ne connaissais pas, moi. Mais parce que Je prends beaucoup, surtout les fleurs, au Jardin du Naon. Oui. Puis c'est tellement agréable de se promener là-dedans. C'est un lieu très sympa. Ils sont de très bons conseils aussi, je trouve. Toujours et très disponibles. Pour les fleurs, à Touraine-Fleurs, à Possé. Oui, anciennement près de Seille. Oui, oui. Pour les locaux qui connaissent. Oui. Ouais, donc tout ça, c'est des bonnes adresses. Vous préférez aller en jardinerie, j'ai envie de dire artisanale. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais plutôt qu'en grande surface. Oui. Il y a le marché d'Amboise aussi. On en oublie un essentiel, mais évidemment. Moi, j'y vais que le vendredi, mais la maison Salap en particulier, qui est de Mont-Louis, c'est très bien. Très bien. On note les bons conseils. Alors, tout à l'heure aussi, avant de préparer cette émission, on a parlé des veillées. Et justement, les veillées, c'est quelque chose, Marcel, que vous souhaitiez évoquer, parce que c'est des souvenirs d'enfance, de jeunesse qui sont importants. Et notamment, pour relier ce sujet à celui du jardinage, c'était le moment où on pouvait écosser les petits pois, s'occuper des noix, tout à fait, oui. Ça se passait comment, alors? On décidait de se réunir en famille et entre voisins. Et puis voilà, on passait la soirée à faire ce qu'on avait décidé de faire. Et puis on échangeait, c'était des moments de convivialité. On en profitait pour déguster un peu... Les soirées crêpes, des choses comme ça. Voilà. Vous disiez tout à l'heure aussi préparer le char du carnaval. Oui. On avait... J'habitais 11 ans à l'époque et on avait, dans le village d'Anières, on faisait un carnaval, on l'a fait plusieurs années, et on faisait des soirées pour préparer les fleurs en papier, les chars, voilà. Et ça aussi, c'était très très sympa, on échangeait plein de choses. C'était avant les soirées télé qu'on connaît aujourd'hui. Qui avait beaucoup plus de charme quand même. Au moins, il y avait des échanges intergénérationnels, déjà. On faisait des veillées pour jouer aux cartes. Oui. Ou des jeux, n'importe, pas forcément des cartes, aux dominos, les... La belote, Michel. Oui, la belote. et ça me revient. C'est vrai que mon père, le soir, m'a appris à jouer aux dames. Je jouais aux dames avec lui. Ouais. Oui. Moi, j'ai jamais aimé. Je suis pas douée pour le... Je ne pouvais pas jouer pour jouer aux dames. J'étais contente. Quand Ça m'arrivait rarement, mais ça m'arrivait de le battre. Ah, ah c'est mémorable, mais, ces moments-là. Voilà. Moi, j'ai jamais pu gagner. Ça, je suis pas mauvaise joueuse, mais quand même, quand on gagne jamais, c'est pas agréable. On a moins envie de jouer, c'est sûr. Non, autrement, c'était plutôt des réunions pour jouer les adultes au tarot ou à la belote. C'est vrai que à la chouine. T'as pas joué à la chouine, non. Ça jouait à non, deux. Non. Mais moi, j'ai joué à la belote un peu, mais le tarot, j'ai jamais su. La chouine, c'était les premiers jeux de cartes qu'on apprenait, c'était simple. C'était voilà. Dans donc la chouine, on disait chouine parce qu'on avait le roi et la dame. C'était la chouine. Ouais. D'accord. Ah oh, dis donc. On a plein de choses à apprendre. Oui, oui, oui. Mais il faudrait que je réapprenne d'ailleurs, parce que il y a tellement longtemps que j'ai pas joué. Oui, et ma mère, je sais qu'elle me disait qu'elle jouait au nain jaune. Elle. Au nain jaune aussi, oui. Oui, oui. Oui. Hmm. Ah bah ça c'est toujours d'actualité. Moi mes enfants ils jouent toujours à ça. Oui, oui, oui. Mais c'est pareil. Le soir j'ai connu un petit peu, mais j'étais jeune. Hein, c'est vague. C'est vrai, griller les marrons dans la poêle percée là, sur le feu de cheminée là, on avait ce qu'on appelait la petite maison. C'était la maison avant qu'ils construisent la plus grande. Et on allumait le feu dans la cheminée et on faisait gagner les marrons. Et puis, c'était les soirées bernache. Oui, avec la bernache, oui. Ah, bah oui. Alors, c'est pareil, la bernache, c'est pas connu, c'est assez régional. Hein. Ah oui ? Ouais. Ah, mais on se rend pas compte quand on est de Touraine, et qu'on a toujours été de Touraine. Je connais plein de régions viticoles en particulier, et ils savent pas ce que c'est que la bernache. Oh, c'est peut-être plus connu maintenant, quand même, parce qu'il en est vendu en magasin. Oui, mais pas partout. Oui, c'est vrai que moi, je voyage pas beaucoup. En Touraine, il en est vendu, mais pas partout. Moi, j'allais souvent en région PACA chez mon fils, et la bernache, ils connaissent pas. Hein. Ah oui. Et puis eux, ils ont d'autres spécialités que nous, on connaît moins. Et puis, dans certaines régions, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle du bourru, ça s'appelle... ça porte d'autres noms. La bernache, c'est vraiment local. Ah hein. Oui. C'est un peu comme le principe de la chocolatine et du pain au chocolat. Voilà. C'est, voilà. C'est les grands débats qui... Oui, c'est voilà. C'est les grands débats qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Hein. Sauf que ça ne concerne pas les mêmes régions, quoi, parce que dans la région PACA, il n'y en a pas de bourru. Dans la région du Nord, dans le Nord, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Oui, mais dans, quand même... Et puis dans le sud-est, tout ça, il y a quand même dans du côté de Bordeaux, tout ça, il doit bien y avoir un peu de bernache. Oui, mais ils vendent leur vin tellement cher qu'ils font pas de bernache. Hein. Ouais. C'est toujours pareil. C'est une question de rapport après pour le. En Touraine, maintenant, les années où il n'y a pas beaucoup de raisins, ils font plus de bernache, hein, parce que. Ouais. Parce que moi, j'ai des souvenirs de. Ils vendent tout en bouteille et. Ouais. C'est pas intéressant pour eux, quoi. On a été plusieurs années où on n'a pas eu de bernache en Touraine. Chez nous, parce que mon père, il faisait un peu de vigne et il faisait de la bernache. Ah oui. Parce que ça, j'ai souvenir de bernache avec ma sœur jumelle. On est revenu en vélo, on n'était pas trop... en principe, quand c'est pas très fort en alcool, sauf que plus on arrive en fin de fermentation... plus c'est fort, et effectivement, on peut prendre une cuite avec ça, la bernache. C'était peut-être une bonne année, mais mon beau-frère se marrait bien, quoi, parce que on avait quoi, 12 ans à peu près. Ah oui, oui, forcément. Bon, on n'en buvait pas beaucoup à chaque fois, mais on y revenait plus souvent. Quoi. Et en bonne jardineuse, jardinière, n'importe quoi, excusez-moi. Et en bonne jardinière que vous êtes. Est-ce que vous avez déjà essayé de planter de la vigne ? Non. Un joli petit pied de vigne qui grimpe. Oui. Moi, j'avais des treilles où j'étais rue de Choiseul. Et là, on nous en a planté. On a eu quelques soucis parce que les pieds de vigne ont été plantés sans trop travailler la terre. Et ils ont eu du mal à démarrer. Mais là, on a fait le nécessaire. On a vraiment... enlever les mauvaises herbes au pied, et cette année on devrait, si tout va bien, on devrait avoir du raisin. Et la reprise du poil, il y a des pieds qui sont morts, mais ceux qui restent. Cette année ils en ont pas mal. Je les ai taillés, et voilà. Parce qu'on s'occupe aussi de ça, quoi. Voilà. Donc il y aura peut-être la cuvée des myosotis. C'est du vin de table. En tout cas, c'est très joli, une petite vigne grimpante. Là, c'est, oui, oui, oui. C'est en ornement, à la fois pour récolter le raisin, mais c'est aussi... Moi, j'avais où j'étais, j'avais une très grande treille que j'avais pas tout à fait adossée à un grillage. Et une année, j'ai eu un chevreuil dans mon jardin que j'ai élevé, qui avait été trouvé, que j'ai élevé. Et un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je le trouve dans un coin. Il était mais complètement... Pompette. Et pour pas qu'il mange la treille, j'avais mis un grand grillage comme ça pour pas qu'il puisse le manger. Et il s'était enfilé derrière et il avait bouffé du raisin. Et il était bourré. Il a cuvé pendant 2 jours, le pauvre. Oh là là là là. Allons bon. Ah oui, non, mais ça, les animaux dans les champs, ça peut arriver, même les fruits fermentés. Les chevreuils en particulier, quand ils mangent la bourdaine aussi, au printemps, c'est une herbe qui est pareille, qui est... Ah oui, c'est quand peut-être ceux-là qui traversent devant les voitures après. C'est comme ça qu'on peut en voir facilement quand on se promène à l'orée des bois. Parce qu'ils ne sont pas sauvages, ils nous voient venir, ils sont là, bon, voilà, ils sont... Ils ne voient pas le danger. Voilà. Non, non, non. Très bien, c'est en tous les cas plein de bons conseils pour le jardinage. On a un petit peu, enfin, moi, en tous les cas, j'ai appris plein de choses. Merci Michel, merci Marcel. Bien. Pour tous ces conseils. Et puis, ce qui sera sympa, c'est de pouvoir, au fil des émissions, avoir des nouvelles de vos plantations, de voir si tout se passe bien, si les carottes poussent, s'il y a du raisin après l'été. Si les carottes sont pas mangées comme l'année dernière par des ratopiers, parce que ça a été une mauvaise expérience pour moi. Ah oui. J'avais jamais vu de ratopiers, et là. Je me suis retrouvée avec des ratopiers qui venaient manger mes carottes. Alors, j'en ai essayé cette année, parce que c'est tellement bon quand ça sort du jeu. On vient de le cueillir, on le mange. Des rongeurs, on n'en avait jamais dans le terrain. Oui. Je fais des carottes, j'ai des ratopiers. C'est pas de bol. Alors, moi, à la maison, j'ai mis dans mon jardin des petites bornes solaires qui font des petits sons. Oui. Vous voyez, ah ouais. Oui, oui. Et c'est censé, voilà, de manière totalement non chimique, en tous les cas, de pouvoir éloigner tout ce qui est taupe, mais aussi reptile. Oui. Voilà. Sur les conseils d'un ami, un ancien collègue, j'ai mis un piquet avec une bouteille d'eau minérale plastique pour faire une vibration. Ah oui. Oui, c'est très très possible que ça fonctionne. Ça fait une vibration dans la tête, il faut enfoncer suffisamment. Et puis, avec le vent, ça fait un peu comme un... Comment ça s'appelle, là, pas une girouette, mais un peu ça, c'est quand même. Et puis, parce que je mets des fonds de bouteille. Je mets 4 fonds de bouteille en bas. Ah oui, comme un petit moulin à vent, quoi. Voilà, et puis le vent, ça le fait bouger davantage. Oui, c'est fort possible que ça fonctionne. Effectivement, c'est un conseil du beau-frère, ça? Non, ça, c'est un ancien collègue qui m'a donné ce conseil-là. D'accord. Il a trouvé ça sur Internet. Il m'a dit, tiens, essaie ça. J'ai essayé. Mais bon, ils m'ont quand même... il aurait fallu que j'en mette peut-être plusieurs. Mais bon, j'ai essayé avec un, déjà. Et c'est vrai qu'à l'endroit où je l'avais mis... Ils n'étaient pas mangés comme un peu plus loin. Quoi. Ah, bah comme quoi? Oui. Bah voilà. Bah, la solution, vous l'avez. Oui. Eh bien, on va clôturer cette 7e émission des Retraités s'activent. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Marcel, de votre présence aujourd'hui. On salue bien tous vos camarades qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, avec une pensée particulière peut-être pour Gérard qui s'est fait mal au dos. Voilà, en jardinant, justement. C'est ce qu'on disait, il a voulu faire des travaux pratiques pour préparer l'émission. Et puis, malheureusement, il s'est fait mal. Eh bien, on se dit au mois prochain. Au mois prochain. Avec grand plaisir. Merci à toutes les deux et à très bientôt sur les ondes de Radioactive.